Carpe diem. Bernard a relativement bien encaissé la nouvelle du départ de Faustine. Après tout, fin mars, c'est loin. Il le reste encore un mois et demi de bonheur à vivre intensément. Et surtout, pour lui, rien n'est irrévocable. Donc, place à l'amour. Ah non, pas encore. Laisse-moi aller travailler, je n'ai pas congé, moi. Ça fait 3 fois que je me rhabille. Je vais finir par avoir l'air d'un tas de chiffons. Faustine s'échappe en riant de la poigne de son amant qui tente de la retenir au lit. Que c'est bon d'être désirée et aimée aussi fougueusement. Elle thésaurise les minutes, les secondes de bonheur, bien consciente que celles-ci sont comptées. Et pourtant, comme elle se sent bien dans cette vie maritale où ne manque que la bague au doigt. Quand elle ne peut pas accompagner son amie, elle prend plaisir à lui cuisiner de bons petits plats. Elle a réalisé qu'elle a beaucoup appris autrefois, simplement en regardant faire sa mère. Ça lui sert bien aujourd'hui. Et désormais, grâce à Bernard, elle sait même tenir un budget. Autre moment privilégié. Comme ils n'ont pas de salle de bain, le samedi, ils se rendent ensemble au bain public, dans le centre de Bâle. L'établissement est superbe. Magnifique décoration en céramique, carrelage rutilant, cattel au motif marin. Faustine apprécie l'intimité des cabines, l'odeur des essences, la douceur des serviettes. Hélas, pas moyen de partager la même baignoire. Les sections hommes et femmes sont bien distinctes. Tant pis. Faustine suit la gouvernante qui lui désigne son alcôve et se plonge jusqu'au cou avec délice dans une immense baignoire saturée de mousse. Après quoi, le crin brillant, récuré comme des sous neufs, les deux amants s'en retournent chez eux, bras dessus, bras dessous. Le temps file. Ils sont allés au restaurant, ils sont allés danser, ils sont partis 24 heures au Tessin, et aussi du côté de Montreux. Ils ont avalé des kilomètres d'autoroute, ils ont dormi dans le camion et fait leur toilette dans les relais routiers. Le temps était glacial fin février, et la brume givrante sur le parking au petit matin était impitoyable. Le jus de chaussettes bouillant, saturé de sucre qu'ils ont partagé ensuite, bien au chaud dans la cabine, n'a jamais été meilleur. D'autres fois, quand Bernard a congé et que Faustine travaille le soir, il passe la soirée près d'elle à empiler les cafés. Discrètement, pour ne pas peiner son compagnon, Faustine prépare son départ. Elle a revendu sa mobilette, revu brièvement le René pour lui dire qu'elle partait et qu'elle allait pouvoir lui remettre le petit appartement ainsi que son contenu, puisqu'il était intéressé. René lui enverra l'argent des meubles dès qu'il aura pu rassembler la somme. Elle est passée à la banque pour boucler son compte et a été surprise de constater que ses petites économies ont rapporté bien plus d'intérêt qu'elle aurait imaginé. La voilà riche. Elle a voulu rendre le téléviseur loué 3 mois plus tôt, mais le magasin était fermé pour cause de faillite. Bien fait, s'est-elle dit en repensant à la trouille qu'elle avait eue le jour où le représentant Bilag du bureau de recouvrement de la redevance télé avait forcé sa porte avec une agressivité rare pour réclamer son dû. Du coup, elle est bien contente de récupérer son investissement en revendant l'appareil au René. Bernard doit partir pour l'Allemagne. Ils savent, l'un comme l'autre, qu'ils ne se reverront pas de si tôt, mais ils veulent l'ignorer. Debout devant Faustine, le jeune homme a bouclé son sac et serre les dents. Ils ne se sont fait aucune promesse. À la vie de décider. Tu sais où me trouver, dit-il dans une grimace pathétique. Faustine n'essaye même pas de parler. Elle le serre dans ses bras et lui ouvre la porte. Il disparaît dans le contour de l'escalier. Elle court à la fenêtre. Il marche vers le carrefour, épaules voûtées. Il ne lève pas la tête. Sans doute pleure-t-il comme elle. Puis il sort de son champ de vision. Elle reste là, seule, atrocement seule. Se souvient de l'accordéoniste, cette ritournelle de Piaf, et chante à voix basse. La fille de choix est triste, au coin de la rue là-bas. Puis en hurlant, et tant pis si elle crève, son homme ne reviendra plus. Adieu tous les beaux rêves, sa vie, elle est foutue. » Foutue, peut-être pas après tout. Allons, ma fille, un peu de cran. Prends-toi en main, réagis, que diable. Faustine sent monter en elle le feu de la colère. Une révolte violente la submerge. Elle n'a pas résilié son abonnement de téléphone, que René reprendra à son compte. Il reste encore une chance. Elle compose le numéro de ses parents, en tremblant de tous ses membres, comme chaque fois qu'elle prend une décision vitale, une décision qui pourrait changer le cours de sa vie. Elle rassemble toute sa témérité, toute son audace, son culot de timide. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle explique à sa mère que ce n'est pas possible, qu'elle ne peut pas rentrer, que sa détermination est irrévocable, et tant pis si elle lui envoie les flics. Elle s'enfuira, elle se cachera, elle est prête à tout, tu entends? Tu n'as pas le droit de saccager ma vie, parce que tu as besoin d'une employée, c'est injuste. Son Bernard, son amour, elle ne veut pas le quitter. Non, elle n'en a pas le courage, pas la force. Il faudra bien que sa mère l'accepte, à défaut de le comprendre. Il n'y a pas d'obéissance, de foutue majorité qui tienne. Le téléphone sonne là-bas dans le sud, dans le vide. Mentalement, Faustine suit la ligne de ses parents, depuis le meuble sur lequel repose l'appareil jusqu'à la porte d'entrée. Les escaliers du jardin, le portail, le cours, le jeu de ballon, le supermarché casino, la place du marché. Bon Dieu, où sont-ils? Que font-ils? Si elle part maintenant, tout de suite, elle peut encore rattraper Bernard à la frontière. Il passe au pesage, ensuite il liquide les papiers, le dédouanement, il y en a pour un moment. Elle peut y arriver, elle doit y arriver, puisqu'elle ne peut pas le prévenir. Le téléphone sonne toujours. C'est la troisième, la quatrième, la cinquième tentative. Laissant sonner 50, 100 fois. Mais qu'est-ce qu'ils fichent? Merde! Ils ne sont pas déjà à Cannes. Elle n'arrive que demain à 10 heures si elle rentre. Partir le 31 mars et arriver le 1er avril. Le 1er avril! Quelle bonne blague! C'est tout elle, ça. Bousiller sa vie un 1er avril. Non, non, non, il faut qu'elle tienne bon. Elle ne doit pas courber l'échine, pas cette fois de plus, cette fois de trop. Ça fait même pas 3 mois qu'elle est libre et heureuse. Le téléphone sonne inlassablement dans le vide. Faustine imagine maman derrière l'appareil, tapie comme une tarentule, attendant son heure. Sachant pertinemment que c'est Faustine à l'autre bout qui se débat dans la collante arentelle en une tentative forcenée d'échapper à son destin. Si ça se trouve, elle a débranché la ligne, la mère, la voyant venir avec ses gros sentiments. Hélas, Faustine n'a pas le caractère assez trempé pour prendre son envol. Son éducation, son surmoi, sont ancrés trop profondément. Difficile à 20 ans de couper les ponts, de se libérer définitivement. Désormais, dans une résignation muette, la jeune femme, vaincue, commande un taxi. Le bonheur attendra. En gare de Bâle, Faustine achète son billet. Baroud d'honneur pour sanctionner sa reddition, elle s'offre un sleeping en première classe. Sa cabine est belle, spacieuse, confortable, avec un matelas moelleux et des draps immaculés. Elle dispose d'un ravissant cabinet de toilette. Sitôt installée, la jeune femme commande un double whisky que le steward apporte rapidement. « Je peux aussi vous border si vous le désirez, » dit-il avec un sourire visqueux. « Non, merci, et enlevez votre pied de ma porte !» Cette fois, ni l'alcool ni la poésie, son et lumière des gares qui défilent dans la nuit, ne consolent Faustine. Elle pleure de rage, de désespoir, prie de tout son cœur pour avoir la patience et le courage de supporter la séparation. Quelques heures plus tard, papa, maman et Stéphane l'accueillent sur le quai de la gare de Cannes, éclaboussée de soleil. « Cette fois, on la tient !» Et on ne la lâchera plus, s'écrie papa en la serrant à l'étouffer.